Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi a exclusivement financé le référendum constitutionnel à hauteur de 27 milliards de francs burundais. Aucune contribution étrangère donc, vous l'entendrez de la part du président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Ndayicariye. Et puis, l'exécution du nouveau budget commence avec début juillet 2018 pour se clôturer fin juin 2019. Le Burundi devra se conformer au pays de l'EAC et d'après une analyse faite par le professeur Isaac Bizimana, expert économiste, il y a eu un certain glissement dans le temps. Vous entendrez ces explications. Et puis, dans ce journal également, nous appellerons notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Ce sera pour nous rapporter cette condamnation du chef de colline Rutunga Nikwa et son adjoint dans la commune de Bouhiga en province Karouzi. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Karouzi. Ils écoperont de 2 ans et demi. Ils sont accusés de rébellion contre les activités et de constat des juges de ce tribunal sur cette colline. Et les travaux d'intérêt général constituent la peine qui sera considérée à la place de l'emprisonnement de 2 ans, ce qui a été dit par la ministre de la Justice ce lundi à Gitega lors du lancement de ce programme d'une importance capitale pour le pays. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, l'exécution du budget de l'exercice 2018 jusqu'à ce mois de juin n'est pas loin de 50%. C'est une analyse faite par le professeur Isaac Bizimana. Il est expert économiste. Pour cet enseignant d'université, le fait que le budget 2018-2019 soit presque du copier-coller par rapport à celui qui était prévu pour l'année en cours n'est qu'un certain glissement dans le temps. Et c'est au moment où l'exécution du nouveau budget commence, avec début juillet 2018, pour se clôturer fin juin 2019. Suivez le professeur Isaac Bizimana au micro de Léon Suitaliou. Tout ce qu'on a fait ici, c'est uniquement changer l'exercice budgétaire. Sinon, les crédits qui sont reportés sont exactement les crédits que ceux qui devaient être reportés dans une année fiscale qui commencerait en janvier et qui se terminerait en décembre. Maintenant, l'exercice budgétaire va commencer le 1er juillet et se terminer le 30 juin. Il n'en serait pas autrement que ce soit les mêmes. Et puis bon, une chose que nous devons préciser, on ne dit pas que c'est l'argent qui est thésaurisé quelque part et que l'État prend ça et qu'il donne à quelqu'un. Non. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on vote, ce sont les crédits budgétaires. Ce n'est pas l'argent qui est disponible et qui est stocké quelque part, dans une banque ou dans un compte quelque part. Ce sont les crédits budgétaires qui sont autorisés et qui se dépensent au fur et à mesure que les fonds rentrent via les services de taxation habilités, l'OBEL en particulier, ou les dons qui rentrent venant de l'extérieur. Que dire de l'exécution du budget exercice 2018 avant d'entamer celui qui commence à être exécuté le 1er juillet? C'est ce qu'il faut d'abord. Il faut d'abord clôturer cet exercice budgétaire. Donc, dire que l'exercice budgétaire se termine, qu'on commence une nouvelle année budgétaire. Et une fois qu'on commence une nouvelle année budgétaire, il faut clôturer les comptes à ce moment-là. Et c'est ce que l'État a fait en disant que maintenant, on commence une autre année fiscale qui ira désormais du 1er juillet au 30 juin. Mais professeur, est-ce que vous pouvez donner des chiffres précis par rapport à l'exécution du budget 2018? Le taux d'exécution se situe aux alentours de 52-53%, entre 50-52%. Donc il reste quasiment presque notre 50% qui n'était pas encore connu. Nous sommes au mois de juin. Ce n'est que ce glissement-là qu'on fait, ce qui m'amène à dire que c'est tout simplement une reconduction du budget précédent. C'est le taux de réalisation de 52%, c'est rendu au mois de juin, c'est presque la moitié. Voilà, c'était l'expert économiste Isaac Bizimana au micro de Léonce Huitaliho. Je vous l'avais dit, le récent référendum constitutionnel a été financé exclusivement par le gouvernement du Burundi à hauteur de 27 milliards de francs burundais, de quoi réjouir le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Ndayicariye. Le budget total alloués aux activités liées au référendum s'élèvent à 27 179 872 762 francs burundais. Le fonctionnement des EPI et des SSI a coûté 2 482 794 306 francs. Deuxièmement, le logiciel de gestion des électeurs, l'élaboration du fichier électoral et la production des documents électoraux, dont les listes électorales et les cartes d'électeurs, ont coûté 14 792 604 906 francs. Troisièmement, l'organisation du scrutin a coûté 6 235 436 253 francs burundais. Le jour du scrutin, c'est-à-dire les opérations du jour du scrutin, ont coûté 3 327 398 765 francs burundais. Enfin, le rapatriement du matériel électoral a coûté 341 638 472 francs burundais. Dans la suite de ce journal, les travaux d'intérêt général constituent la peine qui sera considérée à la place de l'emprisonnement de 2 ans, ce qui a été dit par la ministre de la Justice ce lundi à Gitega lors du lancement de ce programme d'une importance capitale pour le pays. Ce ministère va collaborer avec l'association Berina et ainsi que tous les organes de justice, sans oublier l'administration et la police. Arthur Kavavosh. Ce programme est lancé ce lundi par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux, Aimé Laurentine Kanyana, va permettre aux personnes ayant commis des délits mineurs de ne pas être emprisonnées, c'est-à-dire des délits dont les peines ne vont pas dépasser 2 ans de prison. Selon la ministre de la Justice, ce programme présente certes des avantages sur le pays, car ça va permettre à l'auteur d'un délit mineur de ne pas entrer en prison et rester libre. Une autre chose est la diminution des effectifs dans les prisons et partant, l'État y tire un gain dans les subsides alloués à cet effet. La ministre a fait savoir que ce programme va améliorer le bien-être de la population car ceux qui connaîtront la peine du travail d'intérêt général vont aider dans différents travaux comme la construction des écoles, plantation des arbres sur les collines, le traçage des courbes de niveau, construction des routes, tout ça sans être payé pendant la durée de la peine. La ministre a demandé aux officiers du ministère public de bien analyser la teneur du délit commis avant de demander ce genre de peine et aux juges d'apprécier s'il faut recourir à la peine travail d'intérêt général. Quant aux administratifs, il faut montrer les travaux dans lesquels il faut impliquer ces gens et aux associations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme d'encadrer ceux qui seront soumis à cette peine. La police, à son tour, doit sécuriser ces personnes sur le lieu de travail pour éviter de probables vengeances. Venise Mouyabaga, représentant de l'association Berinae, qui va collaborer avec le ministère dans ce programme, a indiqué qu'ils vont appuyer car ça va désengorger les prisons et faire avancer le pays. Depuis Gitega, Arthur Kavavosh pour la radio Isanganiro. Le chef de colline Rutonga Nikwa et son adjoint dans la commune de Bouhiga en province Karoussi sont condamnés par le tribunal de grande instance de Karoussi d'une peine de 2 ans et demi. Ils sont accusés de rébellion contre les activités de constat des juges de ce tribunal sur cette colline. Et la semaine passée, le président du tribunal déplore le comportement de ses élus collinaires et demande aux administratifs à la base d'aider les juges pendant cette campagne de constat et exécution des procès. Blaise Pascal Kararoumiye. Les deux sont le chef de colline et Rutonga Nikwa, Madame Frézite Mukira Viroli, et son adjoint Vuyekure Jean-Paul de la commune Bouhiga, province Karoussi. Ils ont été condamnés ce lundi dans un procès de flagrance du tribunal de grande instance de Karoussi d'une peine d'un emprisonnement de 2 ans et 6 mois et une amende de 50 000 francs chacun. Le président du tribunal indique que ces élus collinaires se sont révoltés ce jeudi passé en date du 21 juin contre les activités du tribunal, refusant qu'un justiciable soit écouté par les juges qui s'étaient rendus sur cette colline dans un travail de constat et d'exécution des procès pendant au tribunal. Il fait savoir que les juges ont été malmenés et ont demandé secours à la police pour ensuite rebrousser chemin sans faire le travail. François Saviman a dit être étonné de ce comportement de ces élus collinaires et demande aux responsables de l'administration de sensibiliser pour que les responsables de l'administration puissent mener une sensibilisation afin que les administratifs à la base puissent aider les juges. Il indique qu'actuellement, les juges sont appelés à l'exécution d'une campagne de 5 mois, datant du 21 mai dernier, ainsi que le juge du président Vimana François. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kalaloumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Certains membres du collectif des associations des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, KPS+, dans la commune Guissourou, se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens pour la sensibilisation et regrettent aussi qu'ils ne bénéficient plus de formation pour le bien-être des séropositifs dont ils ont la charge. La conséquence étant que les personnes qui se font dépister diminuent. Le représentant légal de KPS+, en province Rouyigui, dit que ce problème est connu au niveau provincial et demande à cet effet au représentant national de prendre en main cette question. Le point avec Roseline Akindavi. Ces séropositifs de la commune Guissourou dans la province Rouyigui disent qu'il manque les médicaments appropriés et les vivres. Laurent Sandzougui, mon représentant des collectifs des associations des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, KPS+ en sigle dans la commune Guissourou, souligne le problème de moyens et de formation pour le bien-être des séropositifs, ce qui diminue l'effectif de gens qui se font dépister. Il n'y a plus de formation. De ça, nous accueillons aujourd'hui 2 ou 3 personnes par semaine, alors que nous devrions en avoir beaucoup. En grande partie, comme il n'y a plus de séminaires de formation et que les séropositifs ne reçoivent plus de la nourriture, ils nous demandent de porter leur voix aux preneurs de décision pour pouvoir en bénéficier. Le KPS plus local n'est plus appuyé dans ce domaine. Samuel Moussafiri, représentant de KPS+ dans la province de Rouyigui, a indiqué que ce problème est connu tant au niveau communal que provincial. Au niveau communal comme au niveau provincial, le problème il règne toujours à propos du sida. Raison pour laquelle si nous essayons à enseigner la population de se protéger contre le sida, sans que nous ayons de moyens financiers arrivés sur terrain, nous voyons que le problème du sida continue à handicaper. Ce dernier demande aux représentants de KPS+ au niveau national de les accompagner et appuyer leur projet. Nous demandons au niveau national de nous accompagner dans notre projet puisque nous essayons à planifier des projets. Nous transmettons nos projets qu'ils puissent essayer à les appuyer. Les collectifs et associations des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, KPS+, dans la commune Guissourou, ont enregistré 86 membres séropositifs au cours de cette année. Il se tient depuis ce lundi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, le 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et parmi les dossiers qui y seront traités figure la corruption. Les participants ont d'abord évalué la période de janvier au mois de juin 2018, dès le premier jour du dit sommet. Une quarantaine de dirigeants africains sont attendus en Mauritanie, dont le deuxième vice-président de la République, qui va représenter le Burundi. On fait le point avec Eli Nibel Nivigira. À commencer par les chefs d'État et des gouvernements qui se rencontrent du 1er au 2 juillet, 42 personnalités africaines sont attendues à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, à ce sommet. Par exemple, sont attendus, dans ce pays arabe du Maghreb, le président en exercice de l'Union africaine, le président rwandais Paul Kagame, le président Mamadou Issoufou de Niger, qui présentera le rapport de libre-échange continental, Moussa Faki de la Commission africaine, qui exposera le rapport de l'issue du Sahara occidental et la position commune de l'Afrique après 2020. À son sommet, le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, représentera le chef d'État burundais, d'après les sources, à la présidence. Parmi les points à l'ordre du jour, revient la question relative à la corruption, d'autant plus que ce sommet se tient sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Autre chose, ce sont les réformes institutionnelles initiées par le président Kagame, depuis qu'il est à la tête de l'Union africaine, mais aussi de libre-échange. Le 25 et 26 juin sont dédiés à la 36e session ordinaire du Comité des représentants permanents, les 28 et 29 juin à la 33e session ordinaire du Conseil exécutif, et les 1er et 2 juillet à la 31e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À ce sommet est également attendu